mandataire, le mandaté, t'es le mandaté, je n'en ai plus l'air, je n'ai plus le temps de vous mentir et de mentir et de mentir. Mandaté de d'été, je n'ai plus le cœur. Mes amis s'égarer, j'ai vu. Thank you. c'était bien quand même. Bon, c'est beau. Il est tard là quand même. Mais c'était bien. Yes. It's possible. Possible. Possible. It was. Nice. It was. Yes. Possible. Maybe. Let's see. C'était fou. Thank you. Sorry, guys. There's no le triomphe de cette civilisation. L'envie. fera danser, camarade. Que mes yeux les pleurent. je t'aime toujours. D'amour, je t'aime toujours. Reste encore un peu contre moi. N'oublie pas encore un peu. Thank you. À 2h, ok. Thank you a lot, thanks a lot. Face aux étoiles. Thanks a lot. Razul is not there, by the way. envoyer. Mur du son. Mon chien Watson. Vous me relancez pour un tour. 2 heures, on est gentil. Deux heures, ce sera mon dernier mot. Avec un outil contextuel plus petit et neuf. Te fait communiquer. Rendez-vous ce soir. Fini les idées neuves. Fini les erreurs. Fini le gratte. Fini le poème. Fini l'erreur. maison. Please do not try to do this at home. It could be harmful. All those things are made by professionals. Please take care. This is not to be tried at home, please. La police est là, je vois la sirène et tout s'éclaire en bleu. Y'a personne à des lieux. Je vois la sirène et tout s'éclaire en bleu. Y'a personne à des lieux, c'est dans mes yeux. Sorry, I'm late, I'm wrong. Yeah, I'm hanging, I love it. You're amazing, you make me hang. I love alone. La nuit des temps, Roméo, Capulette, Bourdala, Bourdillo. L'avant. J'ai regardé le média à la télé. Solution. Et ça m'a fait kiffer d'entendre la speakerine utilisée. Il y a ceux qui prennent acte et ceux qui s'organisent dans la même phrase, dans la même enchaînement. J'ai vraiment trop kiffé. Non, le média 350 sur la Freebox. 350 opération télécommande. Les gauches à la télé. There's a new channel in France. It's about Yes, I try, yes, I fail. But I try again. Channel in France. I try. There's no big actionary, there's no big partner. Everyone is allowed and asked to give some. assumption behind it. So it's all about free ID, and of course it's left winged. So I'm saying, grab a TV remote control and put that channel on your parents' TV. We'll make some change.